Le 1er décembre, Pakuné a commencé sa tournée visant à relever la cote qu'elle a perdue par l'affaire scandaleuse de pouvoir ultra-géante. Elle a visité le lieu de grand incendie au marché de Somun de Daegu, ville prétendue comme son pays natal politique, pour ainsi témoigner sa consolation aux plutocrates. Mais elle a pris la fuite en toute hâte face à la protestation des formations civiles. En outre, selon Yonhap News sud-coréen, Jim Yong-se, ministre des Affaires étrangères, participant à une réunion internationale tenue en Australie, suscite la critique de l'intérieur et de l'extérieur du pays par sa collaboration active à la publication de la déclaration commune contre la Corée populaire.